Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'inoubliable Ingrid Bergman. Avez-vous l'impression d'avoir fait toujours ce que vous vouliez faire et d'avoir vraiment réussi ce que vous vouliez faire? Oh, j'ai de la chance, vous savez. Je n'ai jamais allé chercher un travail et je n'ai jamais fait quelque chose que je n'ai pas voulu faire dans le travail. Ingrid Bergman à l'émission Femmes d'aujourd'hui animée par Andréanne Lafont en janvier 1974. Vedette à Hollywood dans les années 1940, Ingrid Bergman tourne avec les plus grands réalisateurs de son temps, Victor Fleming, Michael Curtis avec qui elle tournera Casablanca, Alfred Hitchcock avec qui elle va tourner trois films, George Cukor et bien d'autres encore. Son histoire d'amour avec Roberto Rossellini l'amène en Europe où elle va briller cette fois devant des réalisateurs comme Jean Renoir ou Ingmar Bergman. Ingrid Bergman est incontestablement l'une des grandes figures iconiques du 7e art. Vous avez compté les films que vous, dans lesquels vous avez déjà participé? Vous tenez une comptabilité? Non, je n'ai pas compté vraiment. Mais je me rappelle bien de tout. Je pouvais si je voudrais. Dans le fond, Ingrid Bergman, vous êtes une star ou une comédienne? Ben... J'espère que c'est une comédienne quand même. Star, ça a l'air d'être seulement au cinéma, n'est-ce pas? Une chose faite par l'industrie. Je crois que la plus grande définition de ma mère, c'est qu'elle était une actrice. Vous voyez, ma mère, elle disait, c'est pas moi qui a choisi le métier d'acteur, c'est l'acteur qui a choisi moi, c'est une vocation. Elle était vraiment, je crois, elle était seulement profondément heureuse quand elle jouait. Voulez-vous que je rapporte quelque chose? Oui. Que diriez-vous d'une bouteille de vin? Ce serait une bonne idée. À quelle heure dois-je revenir? Vers 8 heures. C'est Ingrid Bergman à l'émission Suisse Carrefour en 1964, suivie de sa fille Isabella Rossellini à l'émission Christiane Charette en 1999 que vous venez d'entendre dans cet extrait pour nous décrire la brillante carrière qu'aura Ingrid Bergman. C'est le chroniqueur cinéma Michel Coulombe qui est avec nous. Michel Coulombe, bonjour. Bonjour Jacques. C'est Ingrid Bergman, votre grande actrice fétiche, Michel Coulombe. Pourquoi? Parce qu'elle est merveilleuse. Il y a forcément, quand on aime un acteur, une actrice, une part de séduction. Oui. Il y a ça, donc la beauté, le charme, quelque chose comme ça. Et puis, il y a le type de jeu et les films. Dans son cas, une grande intériorité. Hein. Ce n'est pas Anna Magnani qu'elle remplacera chez Rossellini dans sa vie comme au cinéma. C'est quelqu'un qui sait faire beaucoup avec très peu. C'est les films aussi, Casablanca, les films d'Hitchcock, Notorious, Les Enchaînés, sont des films que j'aime beaucoup. Donc, effectivement, je l'associe à des choses qui comptent pour moi, oui, sur le plan cinématographique. Et puis, c'est la lecture de son autobiographie, Ma vie, qui m'a vraiment marqué parce que j'ai compris à quel point c'était une femme libre, une femme indépendante, une femme de caractère qui avait fait des choix difficiles, laisser ses enfants derrière, aller du côté des hommes, des films qui l'intéressaient et qui, même si elle voulait faire carrière à Hollywood, ne faisait pas de concessions. Quand on l'a appelée, on lui a dit « Vous savez, vous êtes trop grande. » Ben, c'est comme ça. Humphrey Bogart a dû s'asseoir sur des coussins, se grimper sur un petit banc parce que bon, il lui concédait 2 pouces et là, ça posait vraiment problème. On lui a dit aussi « On va changer votre nom parce que Bergman, bon, ça fait pas américain. » Elle a dit « Jamais. » Pourtant, elle voulait. Et puis, on lui a dit aussi « Les dents, les sourcils, ça va pas du tout. On va changer tout ça. » Elle a refusé. Donc, vous voyez, quelqu'un qui avait une idée de ce qu'elle voulait, la carrière, mais qui ne faisait pas inutilement de concessions. Oui. Et cette beauté, malgré tout, beauté non retouchée, hein, c'est ce que vous nous décrivez, pas de concession là-dessus, ce sera moi tel que je suis, et pourtant, une si grande beauté, c'est pas un hasard qu'Hitchcock l'ait choisi 3 fois. Parlez-moi de ça, de la beauté d'Ingrid Bergman, de comment elle se compare aussi avec les autres qui sont là au même moment à Hollywood. Bien, d'une part, il faut dire qu'il lui est arrivé plus d'une fois de jouer au naturel, sans maquillage, sans être... transformé chez Hitchcock notamment, ce qui est une rareté. À l'époque, vraiment, on construisait l'image des femmes au cinéma. pour plaire, mais aussi préserver la jeunesse et la présenter, la mettre en valeur. Par ailleurs, il faut dire que les femmes de cette époque-là étaient pour plusieurs au cinéma des femmes fatales. C'est l'époque d'Ava Gardner, Lana Turner, Rita Hayworth, donc elle n'est pas dans cette catégorie. C'est pas une guillerette non plus, comme Ginger Rogers qui chante, qui danse, ouais, qui est joyeuse, tout ça. Là. Judy Garland, c'est pas une femme enfant, c'est une femme adulte, vraiment portée par la grâce, quelque chose de naturel, de simple, de vulnérable. Et je pense que c'est le mot qui lui convient le mieux. Ce qui l'a rendue populaire, c'est ce qu'elle exprimait au cinéma, cette extrême vulnérabilité. La vulnérabilité, ça fait que nous, spectateurs, on veut la protéger de quelque chose. Donc, c'est le rapport qu'elle a établi avec le public assez rapidement. Parlons un petit peu de ses débuts, mais en revenant sur quelque chose que vous venez de dire. Au tout début de l'émission, vous disiez, l'une des choses que j'apprécie, puis c'est en lisant son autobiographie que je l'ai réalisé, c'est que c'est une femme, j'allais dire droite, déterminée, mais qui ne fait pas de concessions. Mais vous disiez aussi, même si elle voulait tellement, elle était très ambitieuse, et ça, très jeune, elle décide, elle, petite Suédoise, très, très tôt, elle réalise que la Suède, c'est trop petit, son pays d'origine, c'est trop petit pour elle. Donc, il y a cette détermination qui est là très, très tôt. Elle a de grandes ambitions, et très tôt, Ingrid Bergman. Mais quel destin! Parce que elle aurait eu deux frères-sœurs, on n'en saura pas plus, parce que les deux enfants sont nés morts, enfin, un mort-né et puis un autre mort à 16 jours. Donc, sa mère est morte quand elle avait 3 ans, son père quand elle était adolescente. Elle était trimballée d'oncle en tante. Donc, vous voyez quelqu'un qui a dû se faire et qui, très jeune, s'est déterminée dans le regard de son père, puisque jusqu'à l'adolescence, son père la filmait et la photographiait. Et à la mort de son père, c'est ce qu'elle a recherché. Des gens qui la filmaient, qui la photographiaient. Elle aura une histoire d'amour avec Robert Capa, le grand photographe. Elle fera elle-même beaucoup de photographies. Et à l'adolescence, elle va se présenter à l'école de théâtre, donc l'école royale de théâtre de Stockholm, puisqu'elle est suédoise. Elle avait double origine. Sa mère était d'origine allemande, elle parlait allemand. Son père suédois, elle avait appris le français très jeune à l'école. Elle avait tous ses atouts. Et à l'école, on lui disait ce qu'on dit d'ailleurs dans les écoles de théâtre ici. Pendant un certain temps, les 3 premières années, vous apprenez, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de vie professionnelle. Ouais. On lui a offert rapidement de faire des films. Elle avait à choisir. Elle a choisi simplement, d'accord, merci l'école, je fais du cinéma. Et elle va devenir rapidement une vedette de cinéma en Suède. Ouais. Et comment elle fait le passage de l'autre côté de l'Atlantique? Comment elle se retrouve à Hollywood? On dit que c'est un garçon d'ascenseur. Moi, cette idée-là me plaît assez. Il y a un garçon d'ascenseur, donc à Stockholm, qui était fou d'elle. Et il avait l'habitude de dire un peu à tout le monde, c'est mon actrice fétiche, elle est formidable, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est merveilleuse. Et un jour, dans son ascenseur, il y avait des rabatteurs d'Hollywood, des gens donc qui connaissaient les gens des studios, notamment David O. Selznick. Et donc, on est à la fin des années 30. C'est son moment « Autant en emporte le vent », c'est-à-dire comme il était effectivement un producteur très puissant à ce moment-là. Ouais. Il a demandé à la voir et elle venait de tourner « Intermezzo », donc en Suède. Il aura envie de tourner « Intermezzo » avec elle à Hollywood. Et elle s'y rendra à Hollywood en laissant derrière elle son mari, qui sera neurochirurgien, et sa fille, en disant « Bon, ça me fait plaisir, je m'en vais faire un film là-bas. » Ils vont la rejoindre ensuite aux États-Unis. Elle se repliera un certain temps sur la Suède et puis sera appelée à nouveau par Hollywood. Ils vont la rejoindre. Lui, le mari, s'installera sur la côte est américaine. Elle, bien sûr, sur la côte ouest, puisque c'est là que se fait le cinéma. Et quand je vous parlais d'une femme indépendante, elle allait parfois visiter sa fille et son mari. Donc, Intermezzo, c'est le film, la reprise américaine, c'est ce qui la lance, c'est ce qui lance sa carrière à Hollywood. Mais évidemment, Michel, c'est Casablanca qu'elle tourne aux côtés d'Humphrey Bogart en 1942 qui la fait entrer dans la légende. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Mais est-ce qu'on peut dire de Casablanca que c'est votre premier grand succès international? Peut-être. Je ne me rappelle plus parce que au moment quand nous avons fait Casablanca, ce n'était pas un très grand idée. Le scénario était non existant. Ouais. On a travaillé comme ça jour après jour. C'était très difficile. Personne n'a pensé que c'était quelque chose vaut la peine. Et après, le film a pris un Oscar, et naturellement, ça, après, ça a commencé à devenir encore plus grand, plus important, et finalement un classique. Oui. Mais je ne sais pas, oui, peut-être c'était Casablanca. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Ingrid Bergman qui parle du film Casablanca à Bernard Pivot à l'émission Apostrophe en 1980. C'est avec Casablanca et Michel Coulombe que la carrière d'Ingrid Bergman va vraiment exploser. Pourquoi ce film a-t-il un tel impact pour elle, mais plus largement pour nous tous? Bien, d'une part, il faut dire qu'elle est un peu modeste, humble, ou alors elle a peu de mémoire, mais c'est l'Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario. Bien qu'effectivement, au moment du tournage, il n'y avait pas de scénario. Il n'a cessé d'évoluer en cours de production parce qu'effectivement, on cherchait. Puis on était en pleine guerre, donc on racontait une histoire qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a des choses qui se disaient pas. Et puis on était à tâtonner. Les deux acteurs principaux vont former un couple mythique plein de cinéphiles, Humphrey Bogart et elle. On peut dire qu'elle s'est appuyée sur Humphrey Bogart parce qu'il était déjà, lui, célébrissime. Ouais. Elle va se hisser à son niveau, elle qui était encore une jeune comédienne, une toute nouvelle, arrivée depuis peu de Suède. Donc, et ensemble, ils n'y croient pas au film. C'est ça qui est particulier. Parce que, donc, ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il y a des scènes devenues mythiques. Ouais. Ce qu'on entendait et elle qui murmure, c'est d'une beauté absolue. Le départ, la fin, où il se laisse à l'aéroport, c'est une scène qui demeure dans l'histoire du cinéma. Quand il y a des moments comme ça auxquels est associé un acteur, forcément, ben, on l'associe à quelque chose qui, sur le plan émotif, hein, nous fait tout de suite image pour les spectateurs. Ouais. D'autre part, bon, ben, c'est une grande histoire d'amour impossible, puisqu'ils se connaissaient, ils se retrouvent, je parle de Bogart et Bergman, et il va devoir choisir, sauver le mari, Victor Laszlo, ou choisir la femme. Il va sauver l'homme, et donc le couple partira, il va abandonner cette idée de cette relation. Mais tout au long du tournage, alors qu'on a jugé depuis toujours que la chimie entre eux était extraordinaire, Bogart et Bergman, il ne se passait rien dans la vie. Ils se parlaient à peine. Ah bon? Et le peu de fois où ils se parlaient, c'était pour dire « Mais quand est-ce qu'on va sortir de ce cauchemar ?» Parce qu'il y avait des problèmes de scénario, donc des nouveaux bouts de texte à apprendre constamment. Ils se disaient « C'est un truc qui ira nulle part. » C'est ça, le cinéma. Il y a des films formatés, ouais. Et puis il y a des films magiques. Ça, c'est un film magique parce qu'on n'a pas produit un truc sur mesure en se disant « Ce sera inoubliable. » Non, c'est devenu inoubliable parce que c'est une grande histoire d'amour, deux grands interprètes. Et puis, bon, des moments comme celui où on entend « Play it again, Sam ouais. », quelque chose qui nous plaît beaucoup. Un moment fort du cinéma tout entier, évidemment, de la carrière aussi d'Ingrid Bergman. Ça l'a dit, 1950, donc c'est déjà très, très bien parti pour elle. Elle participe à Casablanca, qui est un classique. 50, sa vie prend une tournure complètement inattendue au moment où elle tourne le film Stromboli avec Roberto Rossellini. What's the matter? Che c'è? You cry? No. Robert, venir à Rossellini. Ensuite, quand... Enfin, il ne veut pas que vous tourniez avec certains cinéastes. Il est tout... C'est tout de même un homme terrible. Non, il n'était pas terrible. Mais oui, il n'a pas voulu que je tourne avec les autres. Mais quand même, je tournais avec Jean Renoir, n'est-ce pas? Mais c'était par amour ou par jalousie qu'il ne voulait pas que vous tourniez avec les autres? Oui. Quand vous jouez TS Sympathie, il se moque de vous du mieux. Oui, oui, ça, il n'a pas aimé la pièce du tout. Mais je ne sais pas pourquoi les autres, ses amis, Fellini, Visconti, Sica, tous les trois m'ont cherché. Je ne pouvais pas faire le film avec eux. Ouais. Non. Alors là, vous avez manqué de caractère. Oui, moi je l'ai... Oh non, mais son caractère était plus fort que le mien. Ah oui, ben oui. Il semble, ouais, oui, ça... oui. rien faire. Parce que vous devez regretter un petit peu, Jolie, de ne pas avoir tourné avec Fellini, effectivement, oui, avec oui. Visconti. C'est oui. un peu dommage, quand même. Oui. Hein? À nouveau, Ingrid Bergman à l'émission Apostrophe en 1980. Le film Stromboli, on va revenir sur cette relation. C'est fascinant ce qu'on vient d'entendre, Michel Coulombe. Le film Stromboli qu'Ingrid Bergman tourne avec Roberto Rossellini, ça marque donc le début de sa carrière italienne, le début de sa relation avec Rossellini. Parlez-nous de ça, de cette relation, relation complexe, on vient d'en avoir une petite idée, et qui va créer scandale aux États-Unis. Tremblement de terre. Ouais. Tout à l'heure, ce qu'elle a dit n'était pas tout à fait exact. Elle disait « les rôles sont venus à moi ». Oui, mais elle a vu un film, « Rome, ville ouverte », quand elle était aux États-Unis, en allant au cinéma à New York. Elle a beaucoup aimé. Elle s'est dit « mais qui est cet homme ?» Rossellini. Elle s'est dit « bon, c'est peut-être un coup de chance. Je vais attendre un deuxième. » Elle envoie un deuxième, Paisa, et elle se dit « c'est un grand cinéaste. » Elle lui a écrit une lettre où elle dit « Ben voilà, moi je suis une Suédoise, je parle un peu français, bon, je parle anglais, je parle allemand. Bon, je peux dire en italien « ti amo ». Alors déjà, elle lui faisait un petit appel de la jambe. Là. et je suis disponible. » Et donc, il reçoit la lettre. Il ne savait pas qui était Ingrid Bergman. Son nom lui était complètement étranger. Il n'avait vu aucun de ses films. Mais il préparait Stromboli avec Anna Magnani, sa femme. Et puis, il se dit « Tiens, changeons de crèmerie, passons à autre chose, pas sur le plan amoureux, essayons tout à fait autre chose ». Donc, effectivement, il a choisi de tourner avec Ingrid Bergman. Il faut dire que Stromboli, c'est une île au large de la Sicile, une île volcanique toute petite, et comme partenaire, et là, déjà, ça l'amenait, elle, tout à fait ailleurs. Elle a tourné avec Cary Grant, Gregory Peck et compagnie, donc dans des films bien calibrés. Là, il choisit un pêcheur. Bon, il se dit, je vais prendre un qui a l'air intelligent, puis un qui est assez grand, parce qu'elle est grande. Et puis, on va former un couple comme ça, et il faudra qu'elle improvise aussi. Ça, pour elle, c'était très difficile. Elle venait donc de l'école dramatique. Elle a fait du théâtre aussi. Elle jouait Jeanne d'Arc, par exemple. Donc, il fallait qu'elle s'abandonne. C'était plus difficile pour elle. Qu'elle soit doublée en italien. C'est le cas dans Stromboli. Après quoi, ben, ils vont faire des films ensemble. Mais il faut dire que les 5 films qu'ils ont fait ensemble sont des échecs en termes de public, des films qui vont plaire à un certain pan de la critique. Ce pan-là, c'est les gens qui équivalent à la nouvelle vague. Hein. C'est Godard, c'est Truffaut, Romère et compagnie. Donc, eux reconnaissent là quelque chose qui se passe de particulier. C'est le néo-réalisme italien. Mmh. Il y aura là des films qui vont demeurer des marques dans l'histoire du cinéma, comme Voyage en Italie, donc des films qui a fait aussi en anglais. Mais bon, on mélange tout dans les films italiens parce qu'on voit Giulietta Masina qui joue un rôle en anglais doublé, bien sûr. Donc, il y a un peu de tout ça. Et c'est une radiographie du couple qu'on trouve dans ces films-là. Des couples qui se tiraillent. Par exemple, dans un des films, c'est une femme dont le garçon, tout jeune, se suicide. Donc Europe 51 et qui vit très difficilement évidemment cette chose-là et on la voit se battre avec elle-même, essayer de retrouver une contenance, se lancer dans une nouvelle aventure. Son mari n'aime pas tellement. Donc vous voyez, ça l'amène tout à fait ailleurs. Ça redéfinit son image. Et le couple à la ville, il va faire scandale. Carrément, aux États-Unis, ça va se rendre au Sénat, cette affaire. Absolument. S'il fait scandale, c'est parce que les groupes religieux protestent. Les associations féminines lui écrivent des lettres aussi. C'était des lettres et des télégrammes qu'elle recevait sur le tournage de Stromboli. Il faut dire que sur le tournage de Stromboli, qui a duré 4 mois, ben là, l'histoire s'est concrétisée avec Rossellini. Elle avait une fille aux États-Unis, un mari. Elle est tombée enceinte pendant le tournage. Donc là, elle devenait diabolique, littéralement. Et le sénateur Johnson en a fait une affaire personnelle. Donc, il a jugé qu'elle était effectivement la mauvaise image d'Hollywood. Il y avait à ça 2 raisons. D'une part, son image. D'autres actrices plus sulfureuses auraient eu ce genre d'écart et en ont eu, en fait. On ne protestait pas, mais elle avait une image angélique, pure, belle, gracieuse et tout. Donc, on lui reprochait de ne pas être ce que son image cinématographique pouvait effectivement représenter. Et puis, le sénateur Johnson, c'était son actrice préférée. Donc, ça le rendait fou. Il avait d'elle une image parfaite à laquelle elle ne correspondait pas. Elle, ça lui faisait plutôt plaisir. dire. Et donc, pendant 7 ans, elle a été persona non grata aux États-Unis. Elle mettra très longtemps avant d'y retourner. Elle va remporter un Oscar qu'elle n'ira pas chercher parce que, bon, ben, vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Rappelons que c'est la même période où Charlie Chaplin se trouve dans cette situation face aux États-Unis. On est dans l'épuration des mœurs, la chasse au communisme et tout. Donc, ça correspond à tout ça. Ouais. On l'entendait dans l'extrait avec Bernard Pivot. Rossellini est très jaloux de sa compagne quand il s'agit de la prêter, entre guillemets, à d'autres réalisateurs. Il divorce en 57. Elle évoquait qu'elle a quand même pu tourner avec d'autres grands noms. On l'entendait parler de Jean Renoir. À quoi ça va ressembler pour elle, l'après Rossellini? Mais d'une part, ils ont 3 enfants. D'autre part, c'est lui qui est allé voir ailleurs. Mais elle, se sentant libre, est allée à Paris. Donc, de fait, elle s'est éloignée de ses enfants, de son deuxième mari. Et puis, elle va s'installer avec Lars Schmidt à Paris. Donc, c'est un Suédois qui produira pour elle, d'ailleurs, des téléfilms dans lesquels elle jouera. Donc, Hedda Gabler, qu'elle avait joué aussi sur scène à Paris. Donc, elle fera ça également pour la télévision en anglais, alors qu'elle l'a joué, je crois, en français sur scène à Paris. Donc, elle va avoir là un début de retour vers les États-Unis. Ce sera, par exemple, Anastasia qu'elle fera à partir de Londres, qui vaudra donc son 2e Oscar, que Cary Grant ira chercher pour elle. Elle écoute ça à la radio et trouve que c'est bien suffisant. Un rôle un peu comme dans Pygmalion, hein, cette jeune femme qu'on transforme. Là, c'est une jeune femme de rien qu'on prend dans la rue et à qui on dit « Vous ressemblez à la princesse Anastasia. Elle est peut-être morte, mais bon, peu importe. Vous allez devenir l'héritière du tsar et donc on va faire de vous une dame de la cour russe. Et c'est donc un rôle de transformation où elle est absolument sublime. Là, on est dans la maturité parce qu'elle est au début de la quarantaine. Donc, il y aura là, pour elle, des rôles importants. Elle va se réinventer sur scène comme au cinéma. Et ça lui donnera donc Anastasia un autre Oscar, puis en 75 un autre Oscar avec Le crime de l'Orient Express de Sidney Lumet. Et puis, elle va terminer sa carrière, Michel Coulombe, en revenant aux sources, en retrouvant Ingmar Bergman, aucun lien de parenté d'ailleurs, pour le tournage du film Sonate d'automne. Encore là, c'est elle qui lui écrit. Elle avait fait un premier retour en Suède et donc elle écrit à Bergman en disant « J'aimerais vraiment qu'on fasse un film ensemble. » Ce sera la fin de sa vie. Elle était atteinte du cancer, cancer du sein. Et toutes ces dernières années seront marquées par ce cancer. Et il concevra un film littéralement pour elle, puisque c'est une mère pianiste, enfin donc une grande artiste internationale, qui a négligé sa fille, jouée par Liv Ullmann. Sa fille la réclame et elles vont, après des années, se retrouver. Et il y a ce mélange de culpabilité, d'amour, de rejet, toutes ces tensions qu'on peut imaginer. Donc, il a puisé dans la vie d'Ingrid Bergman pour concevoir le personnage. Et les deux se sont déchirés. Je parle d'Ingrid et Ingmar sur le tournage. Il y a eu beaucoup de tensions entre eux, mais le résultat est extraordinaire. C'est une grande rencontre et un point final absolument formidable. Après, il y aura en fait que son rôle pour la télévision, où elle fait Golda Meir, donc la chef d'État israélienne, qui est tout le contraire d'elle et qu'elle va incarner, mais avec une force incroyable. Elle met une perruque, elle se transforme même pas physiquement. Ça aurait pu être un nez, quelque chose comme ça. Et elle est effectivement Golda Meir à l'écran. C'est assez étonnant. Michel Coulombe, comme toujours, c'était un bonheur. Chroniqueur cinéma, notre radio et notre télévision. Merci, Michel. Au revoir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.